Yeah. Chantons pas seulement, mais nous le croyons vraiment. Revient bientôt. Le Seigneur revient à l'heure où il partira pas. Nous devons être prêts à tout car tout restera. Tout ce que nous voyons passera. Tout ce que nous avons restera. Tout ce que nous touchons passera. Car les choses invisibles sont passagères. Seules les choses invisibles sont. Combien ton âme est-elle prête? Le Seigneur revient, es-tu prêt? Pour pas que le monde nous lie. Pour pas que les programmes de la terre nous lient. Et que des choses factionnelles nous lient. Nous devons être affranchis de tout fardeau. De tout lien mondain. Tout lien du péché. De toute hypocrisie. Le ressemblant, le masquerade. Le bavardage, c'est le temps de montrer la sagesse. Le sage sait se taire. Pour ne parler que quand c'est nécessaire. À l'exemple de Jésus, avoir la voix biblique. Agir à l'exemple de Jésus-Christ. Qu'il en soit ici dans ta vie. Le combat fait rage. Mais la victoire est pour ceux qui gardent la parole. Seulement pour ceux qui combattent selon la parole. Non pas selon leur souvenir. Des sentiments personnels. Des manières de voir. Mais strictement la parole. Comme règle respectée. Comme principe appliqué. La victoire c'est pour cela. Le gouvernement a dit que vaincre c'est garder la parole. Vous devez vaincre c'est vous-même. Vous devez vaincre vos propres pensées. Vaincre vos propres souvenirs. Fréquent être influencé par nos propres opinions. Que nous devons vaincre justement. Pour que la pensée de Christ domine le règne en nous. Que l'inspiration de Christ et la parole originale donne le cœur. Que nous soyons le vrai roi de notre cœur. Quand ma vie s'écoule triste sans but, privé de paix, de joie, de vrai salut, alors mon péché sur mon cœur guisé, l'amour est la lumière de Jésus, pour le roi Jésus est le vrai de mon cœur. Lui seul règne à moi, seul règne à moi, je suis par la foi, je suis par la foi, libre de tout lien, libre de tout lien, plus que vainqueur. Oui, Jésus est le vrai roi de mon cœur, roi de mon cœur, Jésus est le vrai roi de mon cœur. Je suis par la foi, par la foi, par la foi, par la parole. Il est le soleil, il y a plus que vainqueur. Oh, mon âme, je suis le vrai roi de mon cœur. Est-il le vrai roi de ton cœur? Jésus est-il le vrai roi de ton cœur? Est-ce que c'est la pensée de Christ qui domine en toi? Ta pensée révélée dans son message? Un rendez-vous du message de ce temps? Rien ne prendra la vie. La vie aujourd'hui n'est que dans le message. La seule parole promise maintenant. Pour les systèmes, nous mourrons. S'embrouilleront et se perdront. Pour les systèmes d'organisation. Détermination. C'est la mort. Seule la parole de l'heure. Promise pour ce temps. Enseignement de la chose. Pour ce qui viendra à la vie. Pour ce qui produira la résurrection de mort. Pour ce qui produira l'épouse qui sera enlevée. Tous les autres, ce sont des fanfaronnades. Du bruit d'hommes qui se mettent en valeur. Ils veulent se faire voir. Ils veulent qu'on entende parler de eux. Christ est occupé par sa parole. Il veut manifester son programme. C'est sa parole pour maintenant. Qu'il soit le vrai roi de ton cœur. Qu'il soit le vrai roi de nos cœurs à l'église. Et sa vérité domine sur nous. Qu'elle règne à nous. Qu'elle influence nos vies. Qu'elle détermine notre caractère, notre comportement, nos attitudes et nos réactions. Rien que sa vérité, là, moi j'abandonne tout. Que lui prenne tout, m'utilise à sa gloire, et dépouille le système dénominationnel, et laisse aller de toute négligence, et que sa gloire vienne. Prions. Dieu bienveillant. Tout-puissant créateur de ta parole demeure éternelle. L'unique vérité divine. L'unique source de vie. Valable pour l'éternel. Attache nos cœurs à ta vérité. Détache-nous de nos opinions. De nos avis. De nos partos solennels. De manière de voir en réalité. Nous voulons saisir l'esprit. La parole de l'heure, connaître comme tu connais, apprendre ce que tu veux nous faire connaître, nous abaisser devant ta puissance, et élever ton grand nom. Brise le cœur de pierre, brise le cœur d'incrédulité, brise tout orgueil, Seigneur, ôte la malhonnêteté, et plante l'honnêteté. La vie de Christ reflète. Nous sommes de l'argile, tu es le potier. Nous descendons dans ta maison. Pour ce qui nous taille à ton image. Pour la gloire éternelle de Dieu. Que le reflet dit qu'abode. Que la gloire bannie soit évacuée. Et que la puissance résurrecte agisse encore maintenant. Pour vivifier l'Église, pour nous rapprocher à Christ, et nous rendre semblables à lui. Par la piété que Dieu donne, garde-nous comme Dieu. Parle à chacun de nous, nous avons besoin de saisir la mission pour l'Église. Pour être correctement, et ne pas nous laisser noyer dans les événements. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur maintenant, tirée de la Sainte Bible. Nous commençons dans l'Ancien Testament. Job chapitre 12. Job 12, verset 13. Et 14. Et puis nous reprendrons au verset 23 jusqu'au verset 25. Les deux séquences tirées du chapitre 12 de Job, versets 13 et 14, et puis versets 23 à 25. En Dieu réside la sagesse et la puissance. Le conseil et l'intelligence lui appartiennent. Ce qu'il renverse ne sera point rébâti. Celui qui l'enferme ne sera point délivré. Nanzambe, mayele penguya, izali. Ye ayedi tonimpe ososoli. Tala, ye akobuka kampe, ekotonga malisusutu. Ye akokanga, motempe, akofungola mate. Versets 23 à 25. Le même Dieu. Il donne de l'accroissement aux nations et il les fait périr. Il les étend au loin et il les ramène dans leurs limites. Il enlève l'intelligence au chef de peuple et il les fait errer dans des déserts sans chemin. Il tâtonne dans les ténèbres et ne voit pas clair. Il le fait errer comme des gens ivres. Ici, dans Luc chapitre 21, Nouveau Testament. Verset 9 à 11. Luc 21, verset 9 à 11. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura des grands tremblements de terre, et en divers lieux des pestes, des famines, il y aura des phénomènes terribles, et des grands signes dans le ciel. Amen. Un Pierre chapitre 4 verset 7 et 8. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaguer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Que Dieu bénisse la lecture de sa sainte parole. Veuillez vous asseoir au nom du Seigneur. Bienvenue à la table du Seigneur. Ici, dans la maison de Dieu. Vous vous sentez bien? Tout le monde? En bonne santé? Prêt pour le combat? Parce qu'il faut avoir la bonne santé pour être un bon soldat de Jésus. Dieu lui-même a dit, je veux que tu sois en bonne santé. Zambe yomu kunda lubaketi. Na lingia teweza lingia mzoto. Et que tu prospères à tous égards. Le temps fluka na mensu. Comme prospère l'état de ton âme. Le poana fluka ya mwela mwela. L'âme prospérant en corollaire, en parallèle avec le corps. Mwela evento fluka. Et mwela mwela. Ça doit être bien, ça doit aller bien dedans et aller bien dehors. Ça doit aller bien dans l'invisible dedans et dans le visible dehors. Que tu sois en bonne santé. Même si toi-même tu veux être malade. Et que tu supportes ta maladie. Tu berges ta maladie. Tu héberges ta maladie. Tu veux une longue vie d'ailleurs. Tu veux encore de longs jours. Tu veux pas ta maladie. Tu veux pareil immédiatement. Tu laisses ta maladie tranquille. Si tu as oublié ça, laisse-moi te le rappeler pendant ces quelques minutes. Dieu veut que tu sois en bonne santé. C'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Amen. Vous souvenez-vous du lépreux qui s'est approché de Jésus? La lèpre était une maladie chronique. Les gens ont été blessés, on allait fermer les carreaux pour arrêter le saignement, l'hémorragie. Elle prend le temps de s'installer, elle prend tranquillement le temps de se développer et de s'implanter. Les lépreux pendant des années. Mais ils ont entendu Jésus entrer là-bas, par la porte là-bas. Près de Jéricho quelque part là-bas. Ils commencent à crier, aie pitié de nous, fils de David. Aie pitié de nous, dis les preux. Ils ont formé leur assemblée. Ce n'était pas une église chrétienne. Mais un groupe de gens qui avaient un problème. Ce qu'ils avaient en commun, c'était la maladie après l'être. Ils étaient tous pareils, celui-ci malade, celui-ci malade, celui-ci qui ressemble, s'assemble. Ils ont formé vraiment une assemblée de gens malheureux. Inconsolable. Et tout ce qu'ils avaient comme cri, même pas demander une maison d'habitation. Ils savaient les preuves. À quoi bon servir les richesses? Et la lèpre qui longeait leur santé. Quand ils demandaient la main à quoi? Ça servirait à quoi? Ils étaient discriminés au travail. Ils étaient les preuves. Tout le monde qui te voit, tu parles d'abord la bonne santé. Donc d'un problème à un autre. Une situation qui explique d'autres situations. Un problème sanitaire qui explique tous les autres blocages. Que Dieu nous aide à savoir qu'est-ce qu'il nous faut. Des fois nous nous agitons, nous réclamons ceci et cela, nous sommes insatisfaits de ceci et cela, mais nous oublions de lui dire merci pour la bonne chose qu'il nous a donnée. On oublie de commencer par lui dire merci pour les souffles de vie qui nous permettent de parler et qui nous a donné gratuitement. On est là au Dieu, ça fait longtemps. On a fait des prières pour ceci. Et Dieu n'agit pas. Le Christ n'agit pas. Ingrat. Qu'est-ce qui est plus important? Ne peux-tu pas adorer Dieu? Pour le souffle de vie qui te donne, tu lui as payé combien? Pour qu'il t'en serve à tout instant. Tu lui as adressé sa main de prière. Dieu qui donne simplement à tous et sans reproche. Où mets-tu son honneur? Où tu veux l'accuser d'une activité? Soyons des chrétiens conscients. Et nous parlons à un être qui sait tout. Tu connais la valeur des choses mieux que nous. Tu sais ce qui est prioritaire dans ta vie. Et toi tu t'agites pour beaucoup de choses. Comme Marthe, la soeur de Marie. On s'agite pour ceci, on s'inquiète pour cela, mais tout cela c'est des choses qui passent. Bienvenue dans le monde, quand je vais retirer ce souffle de vie, pour lequel tu t'agites là, tu rentreras nous comme tu es. Arrêtez le réveil. Prenons conscience de qui est Dieu. Un sujet prêché par Frère Brenham. Lassitude. Qui est Dieu? L'attitude. Et qui est Dieu? Nous nous exhortons vendredi. Nous sommes rappelés un sujet proche un peu de ça. C'est l'atmosphère qui faut pour changer les situations. C'est l'atmosphère pour changer les situations. Et vous? L'attitude. Et qui est Dieu? Par votre attitude, vous reflétez qui est Dieu selon vous. Et si votre attitude est conforme à la parole, nous rapprochons du Dieu de la parole. Le Dieu de qui est le Dieu de l'amen. Je veux que nous soyons alignés avec la parole. Savez-vous ce que les lépreux ont dit? Allez, priez de nous. Quand ils se sont... Je suis entendu tous ces cris. C'est comme quelqu'un qui ne sait plus quoi demander. Qui demande le travail, qui demande l'emploi, l'éducation éducative, l'école des enfants, l'argent pour payer les habits, pour occuper la maison, acheter le lit, le ventilateur. Que voulez-vous que je passe pour vous? Oh, la vie sur terre, comme elle est faite de réalité. Nous pensons de quoi être fort pour prier à haute voix et taper du pied. Mais Dieu peut nous amener parfois dans des situations telles qu'il nous manque quoi demander. Et que la seule chose qui nous reste, c'est d'implorer sa miséricorde. Et si cette miséricorde se manifeste, nous pourrons dire comme Paul, la grâce me suffit. En tout et pour tout, c'est sa grâce qui me suffit. Parce qu'il m'a fait grâce. Je sais que sa grâce, je serai moi. Père, il y a des gens qui me font. Mais on va laisser le nom éternellement. Peut-être que tu n'es pas encore arrivé à un niveau de preuve. Et tu penses souffrir plus que quelqu'un d'autre. Mais il y a sur cette terre des misérables pires que toi. Ne sois pas si égoïste pour ne voir que toi. Imagine un instant. Qu'est-ce que tu as, c'est beaucoup. Et il y en a de ceux qui manquent de tout ce que toi tu as. Alors ne t'inquiète pas et ne t'inquiète pas pour beaucoup de choses. Ne vous inquiétez de rien. Louange à son nom. C'est dit, les prêts ont réclamé la guérison. Et quelle surprise agréable. Le Seigneur a décidé de choisir leur volonté. De faire de leur volonté sa volonté à lui. Je le veux. Soyez purs. Et voulez ça. Et lui aussi l'a voulu. Quand les deux volontés se croisent, l'étincelle lumière se manifeste, la solution durable s'installe. Et Dieu a raison d'être glorifié. Je le veux, sois en bonne santé. Même si toi, tu ne veux pas de la bonne santé. Que tu es déjà habitué avec tes maladies chroniques. Que tu ne t'en préoccupes plus. Mais tu es adapté à vivre avec. Tu as développé des mécanismes de survie. Pour affaiblir tes douleurs. Dans certaines postures, c'est normal de continuer comme ça. Dieu lui veut que tu sois en bonne santé. Le jour où tu te relèveras de cette somnolence inexplicable, de cette habituation inacceptable, pour dire non. Je ne fais plus de ce système. Je ne fais plus de cette maladie. C'est ma bonne santé. Je crois comme il a dit. Par ce même Christ. J'ai été guéri. Mais pour nous, tu prendras sur vous. Je vais guérir la volonté de Dieu. Visionnera avec ta volonté. La volonté de Dieu se croiseront pour devenir une seule et même volonté. Une solution durable, c'est ça. Pour l'esclavage des maladies. Les choses impossibles deviennent possibles. Quand on prend Dieu au mot, les choses impossibles deviennent possibles quand on prend Dieu au mot. Par cette atmosphère, le changement est obligatoire. Par cette attitude positive, cette attitude de foi, tout cela devient possible. Attendez-là que Dieu nous aide dans ce sens. Je lis dans les sermons, Dieu commissionna Moïse. Du prophète Liangwanam, péché le 3 juin 1983. Dieu commissionna Moïse. Au paragraphe 4, j'ai juste un petit témoignage avant la ligne de prière. Et c'est au moment où la promesse était sur le point de s'accomplir, là en Égypte, les Israélites s'enfuirent. présomptueusement bien là en Égypte. Mais il y avait la promesse de Dieu qui approchait son temps d'accomplissement. Mais eux vivaient dans la présomption. Ils étaient habitués avec l'esclavage. Ils étaient présomptueux, mais dans l'esclavage. Oh, nous sommes des humains. Et nous croyons en Jéhovah, le Dieu d'Abraham. Mais vivant dans l'esclavage pendant des siècles, pendant des décennies de l'homme, présomptueux, mal habitué. Or, la liberté, c'est la règle. L'esclavage doit être une exception. Dieu n'a jamais imposé d'esclavage éternel. Même quand il a donné la loi d'esclavage à Israël, il y a toujours un temps de jubilé. Que l'esclave soit libre. Mais eux là-bas en Égypte, pendant des décennies, il y a des enfants nés de père et de mère esclaves. Vous allez dire dans l'esclavage, habitué à l'esclavage, et qui en avait fait une vie normale, mais qui avait fait une promesse, que la prospérité d'abord, les descendants, les esclaves. Dans un pays qui ne serait pas un homme, quand vous ne considérez pas la promesse de Dieu, vous avez trouvé tout normal. Qu'est-ce que contient à l'idée de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut pour vous? Qui doivent changer, doivent changer. Ceux qui ne sont pas conformes à la parole, ils ont tombé comme des chrétiens. Débarrassez-vous de ce trigue-là. Faites tomber ce fardeau-là. La parole nous a appris à le faire. Je vous la donne ici. Hébreux chapitre 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Si la maladie est un fardeau, fous ça dehors. Si l'incrédulité devenait un fardeau, ce qui vous en a pas une commune de l'arrivée, croire pleinement Dieu. Les servants pour pas payer à l'aide de la vie, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Pour répondre pour lui, il faut avoir des fardeaux. N'est-ce pas que c'est du bon sens naturel? Il faut que tout fardeau soit évacué. Là, tu vas courir à l'aise. Des fois, les pieds rentrent plus vite lorsque le pied balance hein, dans une cadence de mouvement. Le colloquier va bouger. BAM! Nous ne devons pas nous habituer à ce qui est contraire à la parole. Notre vie elle-même, son sens, c'est dans les promesses de Dieu. Amen. Quand nous vivons hors promesse, notre vie n'a pas de sens. Mais la Bible a dit, la promesse me donne vie. La promesse me donne vie. C'est la promesse de mon Dieu qui me donne vie. Mais c'est la promesse de mon Dieu qui me donne vie. La promesse te donne la position et tes droits. Et la fin des hommes ici que tel est le nom de Cotune. Et comme vendredi, ayant la ferme assurance, celui qui a fait la promesse est fidèle. Et comme c'est écrit aux Romains, l'histoire d'Abraham, notre peuple dans la foi, et il y a la pleine conviction que ce que Dieu promet, il le peut aussi l'accomplir. Il faut que cette pleine conviction nous anime nous aussi. Mais les enfants d'Israël ont pris une mauvaise habitude. Ils se sont adaptés à l'esclavage. Une situation contraire à la promesse de Dieu. Une situation à durée fixe. Mais eux ont commencé à prendre leurs enfants. Bon, on ne sait pas quand est-ce que Dieu viendra. Mais au moins, nous sommes là, nous sommes nés comme ça. Et vous devez vous adapter parce que sinon vous allez craquer. On a possible même rapidement c'est à cette situation qui perdure là. La foi maîtrise toutes les circonstances et la prière change les choses. Utilisez les deux armes. Tournez la balance en votre faveur. Utilisez les deux armes. Tournez la balance de votre vie en votre faveur. Amen. Si Dieu n'est pas bon, alors qui d'autre l'est? Et juste au moment où la promesse était sur le point de s'accomplir, les Israélites sentiraient présomptueusement, eh bien là en Égypte. Tout allait très bien. Mais c'est esclave. Ils s'imaginent vivre que tout va très bien. Mais ils sont esclaves, ils sont privés de liberté. Ils vivent sous les fouets. Ils sont privés de corvée. Ils sont privés de la corvée. Ils sont privés de la corvée. Autant de fouets le matin. Autant de cadeaux les avant-midis. Parfois on leur impose de dormir tard. Pour terminer la tâche programmée du jour. Pour aussi ça vous savez dans le même temps. Transporter 1000 briques par jour. Mais des gens pareils s'imaginaient que tout va très bien. Quelle conscience! Voulez-vous ressembler à ça? Toi là qui vis dans l'indifférence. Tous les événements qui se passent autour de nous, on dirait ça te dit. Mais l'annonce, l'imminence du retour de Christ, ça ne peut faire toujours rien. L'âme spirituelle est dans une anormalité, mais vous trouvez que tout va bien. Mon cher ami, tu es gravement malade. Réveille-toi, toi qui dors. Et le Seigneur va t'éclairer. Regarde aux promesses de Dieu. Vois ce qui devrait être. Tu es là-bas dans l'esclavage. Dans la présomption, tout allait très bien. Oh, le grand prestige dont avait joui Joseph devant les rois. En sauvant l'Égypte pendant les 7 années de famine, et Dieu lui avait accordé une faveur. Cette faveur du peuple de Joseph, il n'y en avait plus. Parce qu'il s'était levé un pharaon au cœur méchant. Il a multiplié les travaux. Les Israélites n'avaient plus de faveur face aux Égyptiens. Et pourtant, au temps de Joseph, il n'était pas ici. Mais il le savait, mais par l'histoire. Mais regardez, par présomption, il considérait que tout allait bien. Donc, tout allait très bien. Présomption. Mais comme a dit David, quand j'ai réfléchi à mes voies, j'ai ramené mes pieds sur la voie de tes commandements. Regardons autour de nous. Voyons si tout est conforme à la parole. Et Dieu qui est miséricordieux n'a pas voulu se laisser aller dans la direction des sentiments et des sentiments de leur peuple esclave et inconscient de la valeur de la liberté. Dieu a veillé sur sa promesse pour l'accomplir au temps marqué par lui. Votre habituation n'arrêtera pas. Il ne sait pas ce qu'il a prévu. Dieu fera ce qu'il a prévu. Il outrepassera vos sentiments. Votre accoutumance, votre tolérance exagérée, parce que vous trouvez que tout va bien. Mais quand le temps de l'accomplissement de la promesse arrive, il s'éleva un pharaon qui n'avait pas connu Joseph. Alors une persécution commença. Et cela fut à la base d'une persécution qui poussa son peuple à se rassembler et à prier. Et la persécution renforce toujours la cause. C'est ce qui s'est passé au cours des âges. La persécution. Suivez. Voilà. Je crois fermement. Moi aussi. Amen. Toi aussi, non? Croire fermement. Je crois fermement. Quand vous, avant la venue du Seigneur, nos petites divergences seront aplanies. Nous, les chrétiens, je crois fermement. Quand vous, Avant la venue du Seigneur, nos petites divergences seront aplanies. Dieu peut laisser le communisme nous forcer à nous rassembler. Dieu peut laisser le communisme. Et vous en connaissez le fief. Dieu peut laisser le communisme nous forcer à nous rassembler. Mais il s'est produit quelque chose qui fera que nous serons d'un même cœur et d'un commun accord. Il s'est produit quelque chose. Si maintenant nous ne pouvons pas avoir la foi pour la guérison, comment allons-nous avoir la foi de l'enlèvement? Posez-vous la question. Vous qui trouvez que tout est normal. Pas de guérison divine. On n'a même pas de foi dans la guérison divine. On attend l'enlèvement bientôt. On espère avoir la foi de l'enlèvement. Dites-vous, comment cela? Présentement là, avec notre régime médical de guérison. Quand on est malade, la solution c'est cabinet médical et pharmacie. Même quand l'argent nous manque, nous nous cassons 1000 morceaux pour nous produire des médicaments. Et tout cela parce que notre marge de confiance dans le Dieu qui guérit toute maladie est très réduite. Amen. Mais comment dans une telle situation serons-nous prêts pour l'enlèvement? Branham s'est cramé. Il nous faut d'abord avoir la foi pour des petites choses. Vous allez prendre pas les grands. Vous allez prendre pas les grands. Il y aura donc quelque chose qui fera que cela relève de la providence de Dieu. Mais j'en ai vu une démonstration récemment. C'est ce dont j'aimerais parler. Il doit se passer quelque chose. Nos conditions de vie, nous les chrétiens ici, et notre habituation pour la guérison dans les cas de maladies, c'est très anormal. Amen. L'ordonnance du docteur Moïse contenait combien de maladies? Amen. Docteur Moïse, conduisant le peuple de Dieu au dessein. Il l'a peut le boss. Avant qu'il ne pèse, le mot est abandonné pour cambayer les hommes dans le sommeil. Abandonné pour le bien de Bangoni. Est-ce 12 noms de médicaments chrétiens? Bakombo, ça me donne une balance. Bakombo, avec commentaire et son ramakasi. Non, mais le bien de Nicolas, non, souka. Et les écoutes n'ont pas mis en apoto. Et l'ordonnance du docteur Moïse. Il a quoi? Revenant Moïse n'avait qu'un seul médicament. Donc, comprenez mon avis. Après qui? Quelle que soit la gravité, la situation, la maladie. Quand vous allez auprès du docteur Moïse, papa docteur, je suis malade. Je prends, je tire une page de mon carnet. Je suis l'éternel qui t'apporte la guérison. Et vous, il dit, va, prends ça. Amen. Un vieil homme de 98 ans s'amène. Papa Moïse. Tata Moïse. Et papa. Tata Nagai. Nous toi les lots, Moïse. C'est une bon, nous autres, les alliés malamoudés. Eh, d'accord. Papa, ça ne va pas. Mais il y a qui mon Congo n'y passe. J'ai tellement malodeux. Ça m'a été mis, il m'a pas jiboyé. Quand je me mets debout, c'est de la. Ça m'a dit qu'on fasse la bouquet, maintenant, Moïse. Seigneur de bonsoir, monsieur. Voyez les vieux hommes quand ils commencent à expliquer une chose. C'est tout, papa. Depuis qu'il a commencé à expliquer. Moïse écoute attentivement. Il demande, tu as fini? Aussi d'ici. C'est ça ta maladie, les trucs. Attends, je prends une feuille d'ordonnance. Prescription. Je suis l'Éternel qui t'a prends ça. Je viens. Qu'est-ce que tu je suis Boko Balobi. Balobi. Je suis Yahweh Rapha. Est-ce que c'est une affaire? Il va juste après ça. Docteur Moïse a signé déjà. Ah, comme vous me sautez? Alobi Kabongo. Alobi de Béné Nazali Yahweh, Azal Kobixon. Est-ce que ah, alors tu es contraint de croire Dieu. Et la marge de manœuvre s'élargit. Par l'impérialisme médical qui se moque de la guérison divine, qui dit que c'est de l'exaltation. Oh, vous allez perdre votre temps dans l'église. Il faut venir à l'hôpital. C'est ici que nous soyons guérissons. N'avez-vous jamais entendu ce discours-là? Non, mais je ne vais pas vous dire. Tu es allé perdre ton temps dans l'église. Perdre son temps. Alors, vous avez mis ce temps. Et la situation s'est aggravée. Maintenant, vous vous amenez ici. Le camion, ma casse, il m'a dit, ça, c'est ici. Et quand tu attends, ça commence à trembler. Et le médecin commence à te dire, il te reste 3 mois de vie. Tout ce que le diable dit, ce n'est que du bluff. L'homme n'a pas de pouvoir sur les jours de la mort. C'est Dieu qui a fixé le terme de la vie de chacun de nous. C'est lui Dieu qui a fixé le nombre d'années, le nombre de mois, le nombre de jours de sa vie, quand tu étais dans le ventre de ta mère, dit la Bible. Et Dieu a dit que tout homme soit tenu pour menteur. Et c'est seul pour vrai. L'homme a dit, mais il a menti. Dieu a dit, voilà la vérité. Êtes-vous là? Alors, quelque chose doit se passer. Nous ne pouvons pas continuer tellement comme ça. Pour espérer que l'enlèvement. Le soir de l'incrédulité doit être évacué. L'esclavage envers le médicament doit prendre fin. Ta guérison ne dépend pas du médicament. Ta guérison dépend de la seule personne qui peut guérir. Et Jérémie le prophète, l'éternel, je serai guéri. Et comme a dit Branham le prophète, cette guérison est une guérison divine. Il y a guérison, mais c'est Dieu seul qui guérit. C'est Dieu qui guérit. Est-ce que nous pouvons prendre conscience de ça? Alors Dieu peut utiliser le communisme pour nous l'Église, pour nous forcer à nous rassembler et prier, et pour nous amener à être d'un seul cœur, d'un commun accord. Et ete basali sabiso na makasi to sangana pe to bonde la pote ba komisa biso to koma na motema moko pe na emoneni limoko. Sommes-nous prêts? Or, le fief du communisme, c'est la Russie. Autrefois, URSS. Mais je vais vous montrer ce matin, que ce russe-là garde toujours la mélancolie, la nostalgie de leur impérialisme. Et de leur position stratégique pour jouer à l'équilibre mondial. Et les événements qui sont en train de se passer actuellement, ce n'est pas du hasard. C'était préparé. Et ça va nous mener droit au pied du mur. Mais nous devons regarder la prophétie pour savoir, monsieur, quelle heure est-il. Il y a une pensée de méditation ce matin. Écoutez bien. C'est Dieu contrôle la guerre d'expansion russo-américaine. C'est que nous avons vu jusque-là, c'était imprévu. C'est ce que Dieu vous a donné en avant-goût. Et on pouvait même aussi arrêter où on prie. Hein? Et vous sentirez que nous avons écouté un sermon dimanche. Et la guerre d'expansion russo-américaine. Suivez. Je vais lire dans ce que dit frère Vanam ici quelque chose. Il doit faire du bien à l'église. Dans le sermon, le signe du temps. Prêchez le 20 mai 1958. Paragraphe 114 et 115. La Bible enseigne que l'église sera enlevée avant la tribulation. Ça, vous le savez. Chacun de nous, l'église sera enlevée avant la tribulation. Tout le monde le sait. Et Jésus a dit, ce qui arrivera, retourne à Noé. Et retourne à Lot. Arrivera de même à la venue du Fils. Au temps de Noé, aucune goutte d'eau n'était tombée du ciel avant que Noé entre dans l'arche. Au temps de Lot, il n'y a pas eu un seul brin de feu qui est tombé du ciel avant que Lot ne soit sorti de Sodome. Suivez-moi. Et aucune bombe ne peut tomber avant que son église bénie soit ressuscité et amené dans l'enlèvement pour voir son Seigneur. Mais la méditation est celle-ci. Et si la destruction est si proche, combien proche est la venue du Seigneur? Quand vous voyez le déroulement des événements, vous voyez bien que la destruction finale est très proche. On en parle maintenant clairement. Il n'y a pas longtemps que nous vous avons rapporté ici ce que racontait la télévision russe il y a 2-3 semaines. La télévision russe a dit carrément ceci. Il propose au monde entier de profiter des derniers jours de vie sur terre avant la catastrophe nucléaire. Ne prenez pas ça, s'il vous plaît, à la légère. Car ce n'est pas un discours amusant. Je vous dis que c'est tout un programme bien préparé et qui est en train d'amener le monde vers le pied du mur. Les gens seront surpris comme ça de Noé. Lorsque tout sera finalement détruit. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Nous allons annoncer certaines séquences d'événements qui ne se sont déroulées qu'en cette année 2022. Messieurs et dames, il est plus tard que vous le pensez. Je pense qu'il y a encore beaucoup de temps. Ce sera la proie de la catastrophe. Tenons-nous prêts à tout instant. Si la destruction est si proche, combien proche est la venue du Seigneur? Elle doit avoir lieu avant la destruction et l'annihilation. Pouvez-vous voir l'écriture sur la miraille? Nous y sommes. L'écriture dans le ciel. Disant Ikabo. Sur l'église. La gloire est brève. Sur l'église. Ikabo. Ikabo. L'Esprit du Seigneur est parti. Où est-ce que nous nous tenons? Les gens vont dans les églises, ils pensent que tout va bien. Les démons viennent avec le réveil des démons. Ils manifestent même des flots d'eau. Les gens pensent que Dieu est là. Pourquoi? L'écriture sur la mirage, c'est Ikabot. L'Esprit est parti de l'église. Les démons viennent se moquer des esprits de Dieu. Les pressions qui sont morts. Le diable a capté le esprit par un système de mensonges. Frères et sœurs, ressaisissons-nous. L'écriture c'est la mère aujourd'hui. Il cabote sur l'église et minuscule. L'église est de nom. La vraie gloire du Seigneur est partie. Et c'est quoi pour posséder. Que lui ne sait pas. Miséricorde. Que Dieu ait pitié de nous. Nous y sommes. L'écriture dans le ciel. Ikabod. Sur l'église. Le ciel qui prend le reçu des églises demain porte la mention Ikabod. La gloire est bannie. La gloire est partie. La gloire est partie. L'arche était partie. Quand vous avez crié Ikabod dans l'Israël, c'est lorsque les incirconcis se sont accaparés de l'arche de l'Éternel, là où il y avait la manne, là où il y avait les talons et l'alliance, là où il y avait la parole sacrée, mais des incirconcis, des Philistins, sont venus s'en accaparer. Lorsque les incirconcis commencent à prêcher la parole, à manipuler la parole, la vraie gloire du Seigneur est partie. On trouve là dans les noms apostoliques des fumeurs de cigarettes. Alors que nous vous lire et de vous expliquer la Bible. Les incirconcis. Et vous allez appeler la gloire de Dieu. Vous avez écouté un bon sermon? On trouve un prêtre qui la nuit était dans la boîte de nuit déguisé. Et le matin, il est en train de prêcher le réveil charismatique. Il y a même un abbé qui est venu là, qui est allé remplir une baraque quelque part ici. Il est venu de l'intérieur. Comment imaginer, dans une église catholique, on prêche la puissance du nom de Jésus. C'est fascinant, hein? Les bilingues à Mouinda. Et les légionnaires de Marie. Et Babana Malia. Tous qui sont pleins de démons là, les légionnaires de Marie. Et ils ont la légion comme l'autre légion là. Pour bien captiver les esprits et les amener à la perdition. Et le véritable réveil. Comme quand ils ont tenu leur symposium des épiscopaux là-bas en Norvège, il y a deux décennies maintenant. Trois décennies. Ils ont décidé, nos églises catholiques se vident trop. À cause de tout ce qui est bizambizambi, des petits mouvements là, des sectes qui se réveillent et qui parlent des réveils. L'une des stratégies consistait à créer des groupes de réveil charismatiques. Qui soutiendrait la même doctrine trinitaire, mais qui aurait en leur sein des mouvements de prière. Des prières intenses, des jours et des nuits. Pendant des années. Beaucoup de ces groupes de prière que vous avez appris, et qui se sont transformés en églises de réveil maintenant. Oui, les babalou, vous entendez là. Population des églises soi-disant de réveil. C'était le groupe de prière. Ce ne sont que des succursales catholiques romaines. Qui peut dire amen à la vérité? Amen. Et dans le processus comme le symposium avait prévu, vous voyez maintenant de plus en plus les mouvements de réveil se tenir dans leur paroisse catholique même. Par les salons, parce que ils ont la branche missionnaire des apôtres pauliniens, ceux qui suivent les traces de l'apôtre Paul. Ils font aussi de la missiologie. Les catholiques. Et il y en a même ici au Congo. Des missionnaires pauliniens. N'avez-vous pas entendu parler de la librairie Saint-Paul? N'y a-t-il pas de livres qui parlent de l'évangélisation là-bas? Mais en fait, c'est ce système-là. Par référence à Saint-Paul, c'est pour faire imiter les méthodes de Saint-Paul et évangéliser les gens, et les réveiller, et le groupe de prières, repérer les dons et tout ça. Mais des mascarades! Les aigles voient loin. Plus l'aigle monte, mieux il voit. Toutes ces stratégies mises en place pour remplir son état. Nous avons besoin d'un réveil authentique par la parole de vérité et non pas par une reproduction des gismes phénoménationnels. Mais c'est ce que les gens ont difficile à attendre. Le diable vient avec des propositions à caractère dénominationnel, il mord de la machine. Or que c'est la parole qui doit être la semence qui déclenche le vrai réveil. Il y a un temps d'enchaînement et il y a un temps de Il y a un temps de réclos. Les règles du respect des saisons. Et ce vous-là, ne mélangez pas la semence et la terre. Il faut bien faire. Et là, vous aurez la vraie vie du Seigneur Jésus. Amen et amen. Gloire soit rendue au Dieu vivant. Nous voulons garder la ligne de la vérité du Seigneur. Et par sa grâce, nous y parviendrons. Donc, sur l'église de nous, il y a la mention Ichabod. L'esprit du Seigneur est parti. Où est-ce que nous nous tenons? Qu'est-ce qui ne va pas? Ceci est un temps terrible. Ceci est un temps terrible. Que Dieu nous aide. Tous les fardeaux. Tous ces corvées que le diable essaye de mettre sur nous. Nous avons ça anormal et nous passons chacun d'eux. Pour courir librement dans la carrière du Seigneur. Alors, nous comprenons qu'aucune bombe ne va éclater. Que ce soit une bombe à mon côté pour pas contre l'église. Dieu contrôle la situation. Êtes-vous d'accord que Dieu contrôle? Dieu contrôle les choses. Mais actuellement, il y a une guerre d'expansion entre la Russie et les États-Unis d'Amérique. Guerre d'expansion. C'est-à-dire qu'ils se battent pour l'exercice du pouvoir, de l'impérialisme, de la domination hors de leurs frontières naturelles. Est-ce que ce phénomène-là est-il biblique? Oui. Nous retournons dans Job 12. Que nous avons lu pour introduire la prédication de ce matin. Écoutez, donc, verset 13 et 14, il dit ceci. En Dieu réside la sagesse et la puissance. Le conseil et l'intelligence lui appartiennent. Ce qu'il renverse ne sera pas rebâti. Il a renversé Sodome. A-t-elle été rebâtie? Il a renversé Gomorrhe. A-t-elle été rebâtie? Ce que Dieu renverse ne sera point rebâti. Celui que Dieu enferme ne sera point terrifié. Même si les forceurs viennent avec des fausses délivrances et des fausses assurances pour te rassurer que tu es délivré, pour Dieu tu demeures enfermé. Verset 16. Il possède la force et la prudence, lui Dieu. Il maîtrise celui qui s'égare ou fait égarer les autres. Verset 20. À 27. Il note la parole à ceux qui ont de l'assurance. Alors nous n'aimons pas la présomption. Ne soyons pas prétentieux. Dieu peut nous faire taire. Il peut nous imposer le silence. N'ayez pas toujours d'assurance par vous-même. N'ayez que celle que la parole vous donne. Il prive de jugement les vieillards. Il verse le mépris sur les grands. Et il relâche la ceinture de fort. Dieu peut faire tout ça. Il met à découvert ce qui est caché dans la ténèbre. Il produit à la lumière l'ombre de la mort. Quand l'ombre de la mort va sillonner ici, autour de l'église, n'a-t-elle pas été démasquée? Et dans une série de temps, n'avez-vous pas vu des cas concrets? Et comment Dieu a délivré? Comment Dieu a protégé? Il est le même fidèle à sa promesse. Il produit à la lumière l'ombre de la mort. Même celui qui n'avait pas laissé peut-être pour voir spirituellement, voit maintenant que, ah, mais Dieu dans l'invisible, Dieu, il dit vrai. Les choses de Dieu sont palpables, sont visibles des fois. Il donne de l'accroissement aux nations et il les fait périr. Oui. Quand votre nation va s'accroître, ne pensez pas que vous êtes épargné de la déperdition. Ici, au Congo, depuis plusieurs années maintenant, on nous chante la croissance à deux chiffres. Les institutions de Bretton Woods sont en train de bien porter le gouvernement. Et oui, on a des discours et tout. Entre temps, la misère continue à rentrer nos maisons. Voyez ça? Mais eux, ils se consolent, le pays marche bien. Les indicateurs macroéconomiques. Les indicateurs macroéconomiques. C'est bien beau tout ça. On continue à peiner ici. Mais les indicateurs macroéconomiques sont toujours dans les bons. D'ailleurs, même très bons. Après on va vous dire non, enfin, malgré tout ce que les gens disent là. Mais regardez, combien on investit dans la brique. Regardez les maisons qui poussent. Un indicateur que le pays va bien. Beaucoup d'aides sont en train de se convertir en des quartiers populaires. Les minéraux sont exportés. Le budget de l'État a triplé. Indicateur macroéconomique. Vous voyez, le budget de l'État a triplé. Beaucoup de quartiers où il y avait la savane, c'est devenu des quartiers populaires. N'importe quel économiste va coter bien les pouvoirs. Alors, les autres là qui parlent, ce sont des profanes, ils ne maîtrisent rien. D'ailleurs, ils sont quoi. Même pas là, l'heure a venu. Dès que les droits peuvent chercher un gouvernement. Même l'heure a venu, ils vont jamais gérer même une avenue. Encore moins un quartier. Quel genre de juges ils sont. Vous voyez, on minimise comme pas possible. Et toi, tu te rends compte, oui, effectivement. Depuis que je suis né, je n'ai même pas géré une avenue. Et maintenant, si il est géré une commune, géré une ville, quelle expérience j'ai pour toi. Je ne suis qu'un parloteur dans les villes. Je ne maîtrise pas grand-chose. Minimise comme pas possible. Ils disent, le pays va bien. Est-ce qu'on n'est pas encore au sommet? Mais en tout cas, beaucoup de choses ont déjà changé. Dieu donne de l'accroissement aux nations. Mais il le fait périr aussi. C'est-à-dire la croissance. Mais attention encore. Il dit ceci. Il les jette au loin. Et il les ramène dans leurs limites. Qui étant les nations là? Satan? Satan. Dieu, nous, le Dieu de la Bible. De la Bible. Il leur fait déborder leurs limites. Où se trouve Bounagana maintenant, vous les Congolais? Et qui a fait ça? Dieu. Zambi. Ça c'est ce que dit les prophètes après les Bibles. Bon, pasteur, vous êtes devenu rwandophile. Ni rwandophile, ni je ne sais quoi fil. Je suis chrétien. Et nous devons défendre ce que la Bible dit. Bounagana est où? Au milieu de Rwandais. Goma est où? Au milieu de Congolais. N'y a-t-il pas eu un moment où Bukavu est au milieu de Rwandais? Aujourd'hui, Bukavu est où? Au moins de Congolais. Qui permet tout ça? Dieu. Zambekaka. Mais comment même l'ONU, le secrétaire général de l'ONU, le dit sans se gêner que le M23 aujourd'hui est une armée moderne avec un équipement sophistiqué plus que la MONUSCO. Donnez-moi, secrétaire général, un mouvement rebelle. Secrétaire général. Est-ce plus équipé que l'ONU? Secrétaire général est na l'équipe de l'ONU. Alors bien moi, quand ça m'a sonné, la mission M23 les deux, ils ont dit le col à mon pinga moko, bongi sami malam au pesa, peu bon de l'ango, et ça dit mal, n'y a pas ma cache collègue. Et savez-vous que certaines armes que l'Occident, l'Europe a envoyées en Ukraine se retrouvent au même M23? Dans la guerre, ici, qui s'est passé là-bas? La minute Moussoussou, Oyo, Batuna, Poto, Batinda Kinde, la Ukraine. Les Européens envoient pour renforcer l'Ukraine, mais certaines de ces armes sont tombées de M23. M23 utilise ça maintenant là. M23, c'est par la fraude, bien sûr. Ils allaient dans CC. Une livraison a été détournée par les réseaux qui soutiennent tout ce qui se passe à l'Est là. Et pour renforcer l'équipe, on leur donne des armes ultra-modernes. Ils devraient combattre entre les Russes et les Ukrainiens, mais ça se trouve à l'Est du pays. On met des rebelles, pas de l'armée officielle, rebelles. Et quand vous viendrez vous là avec les AK-47, quelqu'un a fui. Mon frère, on n'est plus à ce stade-là. Mon Dieu, vous êtes en train d'utiliser le Kalashnikov. C'est la vieille hypocrisie avant la Première Guerre mondiale. Et ici, on veut dire que c'est l'arme que vous utilisez. Voilà pourquoi ces gens-là qui ont ces armes ne sont plus forts que face aux civils. Parce que quand les civils voient les AK-47, lui qui est habitué à l'arme de chasse, hein, le fusible calibre 12 de fabrication artisanale locale ici. Hein, où l'on pouvait mettre les balles là, tirer. Hein? Quand ils voient les AK-47, c'est une forme plus évoluée. C'est plus fort que les calibres 12. Alors, il fait graine. Voilà, bateau, bah, quoi qu'il y ait, il y a un calibre 12. Calibre 12, c'est ça qui m'a mis un peu de salaga, un peu de salaga. Il y a un peu de panzana, un peu de salaga, un peu de salaga, un peu de salaga, un peu de salaga. Mais aujourd'hui, on en est à des bombes nucléaires. À des bombes à hydrogène. Mais nos troupes au front utilisent les AK-47. Et on a dit l'armée de terre. Que Dieu nous aide. Amen. Le Rwanda mène une guerre d'expansion aussi. Le Rwanda n'a pas tous si ça la bango. Ça c'est une réalité. Rwanda est allé au sol. On veut asseoir un empire immense. C'est documenté. Et Dieu nous aide. Hein? Zambé à son abisso. Cet empire-là, il veut l'installer quelque part. Et on est verrouillé comme ça. Et que, si Dieu permet. Ce que Zambé a précisé là. Que les velléités expansionnistes de Tutsi se réalisent. Nous serons annexés. Nous deviendrons comme des esclaves de Tutsi. C'est une réalité. Et ce qui nous a mis à Pessinze là. Ne dites pas au nom. Vous en parlez à la chair, pourquoi? Donc, vous voulez maintenant que je sois hypocrite? Ce qui nous a mis. Quand des choses se passent et peuvent amener là, qu'on ne dise rien. Ce qui m'a commencé à le mettre, mais ma bonne moto qui colombe le retour, mais c'est pas la même. Les pays qui ont été annexés de par le passé, c'est toujours des gens qui sont menolés. Batou Olo. Qui ont minimisé les alertes, les avertissements, ils se sont retrouvés dominés. Des grâces. Chacun regarde bien autour. Si les grandes puissances mènent cette guerre, la Russie et les États-Unis d'Amérique, il y a différents fronts à travers les nations de la terre. Mais qui font partie d'un grand ensemble. Où les uns veulent avoir la supériorité sur les autres. Et pour bien contrôler au loin, il faut qu'il y ait des zones stratégiques. Là où leur pouvoir en question s'exerce loin de leurs frontières. wana yosika bokozi na bango moko ezali kosala malibo mosika na ndolo na bango ya mabele. J'aimerais vous lire quelque chose ici qui est paru en 2011. Laisse que le Seigneur nous aide là. À voir ce qu'il y a et nous ressaisir de la bonne manière. Là, c'est sur le site Wikistrike. Intitulé là. Depuis le 10 octobre 2011. Je vous en avais parlé en passant, mais j'y reviens maintenant un peu calmement. Ça disait ceci. 10 octobre 2011 jusqu'au 10 octobre 2022, ça fait combien d'années?